إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل دراستنا لكتاب التوحيد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله إلى قول الإمام عند ذكره لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحاب في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. Donc on va continuer inshallah sur l'explication du livre de l'unicité en implorant Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite cette étude et en remerciant Allah jalla wa ala de nous avoir donné encore une occasion et une opportunité d'essayer de comprendre notre religion et d'apprendre notre religion à travers les récits et les hadiths qui nous sont rapportés de notre prophète, alayhi salatu wassalam, que les prières et la paix soient sur lui. Donc hier, on avait conclu notre allocution lorsqu'on avait cité, on s'est arrêté sur l'étude d'un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, donc c'est un hadith qui est authentique, d'après Aïcha, d'après la mère des croyants, donc l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, qui rapporte alors que le prophète alayhi salatu wa sallam avait envoyé un homme pour une expédition et l'avait désigné en tant qu'émir, donc il lui avait donné cette responsabilité là et donc c'est lui donc qui présidait et dirigeait les prières. Et lorsqu'ils sont revenus de ce voyage, de cette expédition, alors certains sont allés voir le prophète alayhi salatu wa sallam et l'ont informé que cet homme dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait nommé comme émir et donc responsable, alors lorsqu'il présidait les prières, alors il concluait toujours sa lecture par la récitation de cette sourate qui est « Qul huwallahu ahad ». Donc dans la dernière allocution, on s'était fait un rappel sur l'importance de cette sourate et le fait que cette sourate représente le tiers du Coran. Donc elle équivaut au tiers du Coran, et donc malgré que c'est une petite sourate, on avait mentionné les vertus et la grandeur, le bienfait de cette sourate et l'essence qu'elle renferme. Et de ce fait, elle a un rang immense et énorme parmi les sourates du Coran, et celle-ci donc, la sourate Qul Huwallahu Ahad, qui est nommée la sourate de Al-Ikhlas, elle représente donc le tiers du Coran. Et donc dans la dernière assise ou dans la dernière allocution, on avait illustré, on avait mentionné ici les vertus et les bienfaits de cette sourate qui est immense. Et donc on avait dit dans ce dernier récit donc qu'on a mentionné hier, lorsqu'ils ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la lecture et de cette manière dont lisait et présidait cet homme la prière et du fait qu'il concluait toutes ses prières par la lecture de cette sourate qui est Qul huwallahu ahad, alors le prophète sallam leur a dit: demandez-lui pourquoi est-ce qu'il faisait cela. Alors lorsqu'ils lui demandèrent pourquoi est-ce qu'il faisait cela, alors il répondit: parce que elle décrit le miséricordieux, le tout miséricordieux, c'est-à-dire qu'elle décrit notre Seigneur. لِأَنَّهَا صِفَتَ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. Et il dit: moi, j'aime la réciter. Et c'est là donc que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que les prières de la paix soient sur lui, alors dit: informez-le donc qu'Allah l'aime. Et on avait conclu notre allocution avec ce hadith qui est immense. On a dit donc: regardez, la lecture de cette sourate, qui équivaut au tiers du Coran, eh ben, c'est une cause pour avoir l'agrément d'Allah et l'amour d'Allah. Donc on a une preuve aussi dans ce hadith, comme on l'a dit précédemment, que Allah aime ses serviteurs. Et donc, on peut gagner l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le grand savant, savantissime Cheikh Ibn Uthaymeen, dans le commentaire et l'explication de ce hadith, il nous dit wa fi'lu hadha ar-rajul alladhi ba'athahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 'ala as-sirriyah fa kana yaqra'u li ashabihi wa yakhthimu bi qul huwallahu ahad wa qawluhu yakhthimu bi qul huwallahu ahad yahtamilu an yakuna hadha ar-rajul yakhthimu qira'ata kulli rak'ah أو أنه يختم قراءة الصلاة عموما فعلى الاحتمال الأول إذا كانت الصلاة رباعية فكان يقرأ قل هو الله أحد أربع مرات مثلا وعلى الاحتمال الثاني فكان يقرأها مرة واحدة. Donc Cheikh ensuite nous explique, alors lorsqu'on observe et on médite vraiment cette histoire, donc on voit que cet homme, il aimait cette sourate, قل هو الله أحد. Et il l'aimait tellement, et pourquoi? Parce qu'on a dit dans cette sourate aussi, elle renferme de nombreux sens, et parmi ces sens-là, on avait parlé hein, dans la dernière assise, la cause de la révélation de cette sourate, le contexte. Et donc lui, cet homme, aimait la récitation de cette sourate parce que pour lui, elle décrivait le miséricordieux, et elle décrit le miséricordieux. Elle nous enseigne qu'il est unique, il n'a aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, donc, il la lisait. Et on peut comprendre, de sa manière de toujours compléter, parachever ou bien terminer sa prière par la récitation de cette sourate, donc on peut comprendre deux probabilités et deux éventualités. Alors, soit c'est chaque unité de prière qu'il terminait par la récitation, c'est-à-dire chaque récitation, il terminait cette récitation dans chaque unité de prière par cette sourate, « Qul huwallahu ahad ». Donc ça voudrait dire qu'il la lisait quatre fois pour chaque unité de prière, si c'est une prière qui comporte quatre unités de prière, comme pour la prière de l'après-midi, du Asr, ou du Aïcha, du soir, ou bien du Dhuhr, par exemple, qui est composé de quatre rak'at, quatre unités de prière. Ou bien, il y a l'éventualité qu'on peut comprendre, comme beaucoup de savants l'ont dit, que c'est à la dernière rak'at. À la dernière rak'at, donc, il terminait sa lecture en lisant et ben cette sourate qui est Qul huwallahu ahad, la sourate qui est appelée la sourate de l'ikhlas, la pureté ou de la sincérité. Et donc selon cette dernière probabilité, donc il la lisait une fois, donc lorsque il terminait sa lecture. Et c'est pour cela qu'on avait parlé dans la dernière allocution qu'il était bon, par exemple, pour celui qui veut la répéter, donc de la répéter, cela. Et cela est permis. وقد استدل به الفقهاء على جواز جمع سورتين في الركعه الواحده. Et c'est pour ça que les savants ont déduit aussi un autre enseignement utile et profitable, donc qui serait permis pour celui qui, par exemple, voudrait lire par exemple deux sourates, par exemple après la sourate al-Fatiha, après qu'il ait lu la sourate de l'ouverture hein, donc dans une rak'ah, dans une unité de prière par exemple. Dans la première unité de prière, on lit surat al-Fatiha, ensuite on peut lire une autre sourate. Il est recommandé, et fortement recommandé, de lire une autre sourate. Eh bien, là, les savants se sont basés sur ce récit pour dire qu'on pourrait lire aussi deux sourates, et que cela est permis dans une seule unité de prière. Et ça, les juristes l'ont autorisé, du fait que c'est mentionné ici dans ce récit, et ce récit déduit, ou bien plutôt induit cela. Et de ce fait, lorsqu'on observe aussi la manière de faire de nos pieux prédécesseurs, de grands imams qui ont précédé dans les siècles précédents, eh ben on retrouve par exemple certains dans leur biographie qu'ils avaient l'habitude, par exemple lorsqu'ils se réveillaient la nuit ou autre, eh ben parfois ils lisaient le Coran et parfois ils s'arrêtaient sur un verset et répétaient ce verset, ou parfois ils s'arrêtaient sur une sourate et ils répétaient la sourate. Et cela nous est rapporté par exemple d'un grand imam. Il y a eu un homme qui était connu, qui s'est distingué pour sa piété. C'était un homme dans les premiers siècles de l'islam. C'est un homme qui a vécu, qui est né au début du deuxième siècle de l'islam, c'est-à-dire après les années 100 du calendrier hégérien. Et cet homme, ce grand savant, s'appelait Al-Fudayl ibn Iyad. Donc il est très célèbre. Et si vous voulez, il a marqué son époque. Vraiment, il a vraiment marqué son époque. C'est pour ça que vous le retrouvez dans de nombreux livres. Beaucoup de ses paroles, il a beaucoup de paroles de sagesse qui sont mentionnées dans de nombreux livres, et les savants jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'à nos temps, malgré qu'il date de plus de 13 siècles, hein, cet imam a vécu il y a plus de 13 siècles de cela, et bien malgré cela, beaucoup de savants contemporains et bien utilisent toujours ces sagesses, ces paroles de sagesse. On les retrouve dans les livres. Vous retrouvez beaucoup de biographes qui mentionnent sa biographie. Donc ce savant-là, cet homme-là, a marqué vraiment sa génération et son époque, du fait de part de sa piété. C'est un homme qui était connu pour sa dévotion, pour son adoration envers son Seigneur, ce printemps-là. C'est une personne qui était vraiment, vraiment connue pour sa piété, faisait partie des vertueux de son époque. Et donc, comme on a dit précédemment, c'était le très célèbre Al-Fudayl ibn Riyad. Et il y a un récit, justement, qui nous est rapporté, une très belle histoire qui nous est rapportée. Et cette histoire, elle nous est rapportée par un homme qui était surnommé Abu l'Abbas. C'était Al-Fadl ibn Rabi'a, et qui était surnommé Abu l'Abbas. Il rapporte qu'un jour, le grand calife, et là on va faire un saut un peu dans le temps, dans l'histoire, l'un des grands califes de l'époque de la dynastie de l'empire abbasside, ce qu'on appelle Dawlatul Abbasiyya. Dawlatul Abbasiyya. Donc c'était un empire qu'il y avait à l'époque. Et là, on est, comme on a dit, on est au deuxième siècle de l'égire du calendrier musulman. Et à cette époque-là, il y avait un grand dirigeant qui était surnommé le commandant des croyants, c'était Amir al-Mu'minin, c'était le calife de l'époque, et c'était l'un des meilleurs califes de l'empire abbasside. Et il est très célèbre, il était nommé, il s'appelait Harun al-Rashid. Al-Rashid, donc il est célèbre, vous le retrouvez aussi. Dans les livres d'histoire, les biographes mentionnent sa biographie, on le retrouve dans les livres d'histoire. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a marqué son temps et son califat vraiment s'est distingué. Et c'était l'un des meilleurs dirigeants, l'un des meilleurs califes de la dynastie abbasside. Et lui donc, il a vécu au deuxième siècle de l'Égypte. Et donc, c'était à l'époque de ce grand imam Al-Fudayl ibn Riyad. Pourquoi je vous ai parlé du grand calife Harun al-Rashid, du fait que ce calife, il a une histoire avec le grand imam, le savantissime Al-Fudayl ibn Riyad, celui dont on a parlé de sa piété. Et il y a une histoire entre les deux que je voudrais vous relater, Inch'Allah, qui est un grand rappel pour nous. Et donc, ce commandeur des croyants, si vous voulez, Harun al-Rashid, qui était le calife de son temps, donc on a dit c'était l'un des meilleurs califes de l'époque de l'empire abbasside, et lui, il était connu aussi pour sa piété. Et il était connu pour son amour de la sunna, de son amour pour la religion, et il était connu pour son amour des savants et de la science. C'est pour cela qu'il côtoyait beaucoup les savants, les gens de science, et il demandait justement beaucoup, il était demandeur des exhortations et des rappels, des conseils de ces grands savants. Donc il était très proche. Donc c'est un calife, et lorsqu'on dit calife, sachez que le calife à l'époque, celui qu'on appelait le commandeur, le prince des croyants, Amir al-Mu'minin, c'est celui qui régnait sur toutes les contrées musulmanes, sur toutes les provinces musulmanes. C'est-à-dire que c'était comme une sorte de grand roi qui régnait sur toutes les provinces musulmanes. C'est-à-dire que il était celui qui régnait, qui avait le règne et le pouvoir sur la péninsule arabique, sur la Mecque, sur Médine, sur ce qu'on appelle le Chem, sur toutes les terres et les contrées musulmanes comme l'Irak, le Chem, l'Égypte, la Perse à l'époque et autres. Donc il avait un pouvoir qui s'étendait sur toutes les provinces et les contrées musulmanes. C'est pour ça que c'était un grand dirigeant. Et lui, donc, comme on a dit précédemment, il s'est vraiment distingué. Par contre, en ce qui concerne l'histoire de Harun Rachid, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que du fait qu'il a vraiment marqué l'histoire de la nation musulmane, il a vraiment était à son époque quelqu'un qui a joué un grand rôle pour la propagation de l'islam et l'élévation de l'islam. Donc, du fait que c'était un grand héros de l'islam, hein, alors beaucoup ont essayé d'entacher sa réputation, d'entacher son intégrité. Beaucoup ont rapporté des récits qui sont mensongers, hein, des récits mensongers et inventés. Donc, il y a eu beaucoup de détracteurs, si vous voulez, de spéculateurs. Beaucoup de charlatans ont écrit et ont rapporté des récits mensongers au sujet de Harun al-Rashid. Comme vous pouvez retrouver par exemple beaucoup de ces récits qui sont mensongers et inventés de toutes pièces chez beaucoup d'orientalistes. Donc beaucoup d'orientalistes qui ont écrit et qui ont mentionné des choses liées à la biographie, à la vie de ce grand calife, Rashid, Eh bien, beaucoup d'orientalistes ont menti et mentaient au sujet de ce grand calife. Pourquoi? Parce que c'est un héros de l'islam, il a vraiment marqué son temps. Donc, lui, Harun al-Rachid, c'est celui qui est très célèbre, celui qui, chaque année, il est rapporté que chaque année, eh ben, il allait faire le pèlerinage. Et les années dont il n'allait pas faire le pèlerinage, c'est qu'il était en expédition. Donc, certains même mentionnent qu'il disait que chaque année, il allait faire le pèlerinage, donc une année, il faisait le pèlerinage. Et l'autre année, il faisait une expédition. Il était en expédition. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui, souvent, faisait le pèlerinage et c'est vraiment un calife qui s'est distingué. Je vais vous mentionner cette histoire donc avec le grand savant de l'époque, Fudayl ibn Riyad. Un jour, ce calife, donc je vous expliquais pour ceux qui ne connaissaient pas vraiment qu'est-ce qu'était un calife à l'époque, ce qu'on appelait les commandeurs des croyants, Emir al-Mu'minin. Donc le calife, un jour, alors était avec cet homme qui s'appelait Abul Abbas. Et alors que le calife, justement, Harun Rachid, avait accompli le pèlerinage, c'était une année où il avait fait le pèlerinage. Et ensuite, il a voulu rencontrer des savants. Donc il avait des demandes et des questions à poser. Et lui, c'était quelqu'un de vraiment modeste. C'est lui, à l'époque, qui se déplaçait chez les savants. Contrairement à d'autres rois, et d'autres qui ont un pouvoir, eh ben, eux ne se déplacent pas, mais ils demandent aux gens de venir à leur palais et à leur cour. Alors que lui, il se déplaçait. C'était quelqu'un qui était modeste et qui aimait les savants, il se déplaçait chez les savants. Alors il est rapporté, alors qu'il avait accompli le pèlerinage de la Mecque, donc il était avec son accompagnateur, qui se nommait Abul Abbas, le père de l'Abbas, c'était son surnom, et il s'appelait Al-Fadl. Alors il lui dit, ramène-moi chez une personne dont je pourrai interroger. Alors Abul Abbas, son accompagnateur, l'emmena chez un savant de cette époque. Chez un savant. Alors il le conduisit et donc ils sont allés chez rendre visite à ce savant. Ensuite, le calife donc discuta avec lui et donc il lui posa des questions. Et ensuite, lorsqu'ils sortirent, alors avant de sortir, il a dit à ce savant, est-ce que tu as une dette? Est-ce que tu as des dettes? Et ce savant répondit par l'affirmative. Alors, il dit à son accompagnateur Abul Abbas, alors règle sa dette, paye sa dette. Donc, il lui offra une somme d'argent, de pièces d'or en échange. Ensuite, le calife s'en alla et il redemanda à son accompagnateur Abul Abbas de le ramener chez un autre savant. Chez un autre savant. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, ton compagnon, ce savant chez qui tu m'as ramené, il m'est d'aucune utilité. Il dit, donc, trouve-moi une autre personne que je puisse interroger. Alors, ils s'en allèrent chez un autre savant. Et lorsqu'ils arrivèrent chez cet autre savant, alors ils frappèrent à sa porte. Et de ce fait, lorsque cet homme répondit, il dit, qui est-ce qui est là? Alors, Abul Abbas, accompagnateur du calife, lui répond, c'est le commandeur des croyants. Alors, l'homme tout de suite ouvra la porte et lui dit, ô commandeur des croyants, si tu m'avais demandé, je serais venu te voir, je me serais déplacé. Et lui, le grand calife, le commandeur des croyants, Rachid, il lui dit, prends en considération juste ce pourquoi nous sommes venus. Alors, il lui parla un moment et il lui demanda. Donc, il parle avec le. Il discuta avec ce savant. Et à la fin de leur discussion, alors Rachid, le calife, lui demandait s'il avait des dettes. Alors le savant lui répondit oui, par l'affirmative. Alors il dit à son accompagnateur, Abul Abbas, règle sa dette. Alors, ils s'en allèrent encore une fois. Et le calife dit à son accompagnateur, tu m'as encore amené chez un compagnon qui m'est d'aucune utilité. Alors il lui dit, trouve-moi donc un autre homme que je puisse interroger. Alors c'est là que Abul Abbas dit, il raconte dans son histoire, c'est là qu'il dit, je l'ai ramené chez ce grand imam Al-Fudayl ibn Riyad. Alors là, lorsqu'ils arrivèrent près de la maison de Al-Fudayl ibn Riyad, alors ils tapèrent à la porte. Alors Al-Fudayl qui était chez lui, il leur demanda qui est-ce qui était là. Alors, l'accompagnateur du calife lui dit, c'est le commandeur des croyants. Et là, par stupéfaction, étrangement, ce grand imam, ce savantissime Al-Fudayl, répondit: Et qu'ai-je à faire du commandeur des croyants? Alors l'homme lui répondit: Gloire à Allah et pureté à Allah. Ne lui dois-tu pas obéissance? Alors, lorsque Al-Fudayl a entendu ces paroles, alors il descendit et il a ouvert la porte. Vous avez vu, étrangement, contrairement aux deux savants précédents, qui eux se sont empressés d'ouvrir la porte et de dire: Si, ô toi, commandeur des croyants, parce que c'était un honneur pour eux que le commandeur des croyants, le calife, frappe à leur porte et leur rende visite. Donc ils ont dit: Si tu nous avais demandé, nous on serait déplacés, te rendre visite à la cour ou bien à ton palais. Tandis que lui, Al-Fudayl, lui, contrairement, lui, il dit: Qu'ai-je à faire, moi, du commandeur des croyants? Et c'est là qu'il lui dit, et lui on dit que tu lui dois obéissance. Donc à ce moment-là, il aura ouvert la porte. Sauf qu'étrangement encore, il est rapporté qu'il remonta dans sa pièce, qui était sa chambre, et il a éteint les lampes. Il éteigna les lampes et il s'est dirigé dans un coin de la pièce. De ce fait, le rapporteur de l'histoire, Abou l'Abbès, il dit, nous entrâmes donc dans la maison d'Al-Fudayl et on le cherchait partout dans le noir. Et c'est le calife Ar-Rachid, donc, qui l'a appréhendé le premier. Il a réussi à le toucher et à le trouver. Et donc, de sa main, il toucha l'imam, Al-Fudayl. Al-Fudayl lui dit: Quelle douce main que voici, si seulement elle serait préservée demain du châtiment d'Allah. Alors, celui qui rapporte l'histoire, il dit: Je me suis dit au fond de moi, ce soir, il va sûrement lui tenir des propos très durs et purs. Ou plutôt des propos purs, hein, provenant vraiment d'un homme pieux. Pourquoi? Parce que le Fourdail, il était connu pour ses sagesses, et il était connu pour sa sincérité et son honnêteté. Et de ce fait, vous allez voir comment il va s'adresser à lui. Beaucoup de gens, à l'heure actuelle, à notre époque, les gens vont dire, mais il n'a vraiment pas de sagesse, puisqu'aujourd'hui, les gens, ils veulent que entendre ce qui leur plaît. Ils veulent que lorsqu'on les conseille ou lorsqu'on on leur parle, eh ben, on leur dit que des paroles qu'ils veulent entendre, des paroles qu'ils aiment. Or, les savants, ce n'est pas leur affaire. Eux, l'affaire, c'est de conseiller. Et c'est pour ça qu'un vrai conseiller, celui qui est digne de confiance, celui qui est vraiment honnête dans ses conseils, il doit dire la vérité. Il doit être honnête dans ses conseils. Là, vous allez voir un grand exemple en ce grand savant Al-Fudayl. Et là, comme on a dit, on a fait un voyage au deuxième siècle de l'Égypte. Regardez, et là, il va s'adresser en quelque sorte au calife. Et donc il ne s'adresse pas à n'importe qui. Donc regardez ce qu'il va lui dire. Il va lui dire, alors, après que le calife s'adresse à lui, il lui dit, bon, prends en considération ce pourquoi nous sommes venus te rendre visite, qu'Allah t'accorde sa miséricorde. Alors Al-Fudayl, ce grand savant, lui répondit, il va l'exhorter, il va le conseiller, puisqu'en réalité, Ar-Rachid, le calife, est venu demander conseil. Comme on l'a dit précédemment, il aimait la rencontre des savants et l'assise avec les savants. Il aimait que les savants le conseillent et l'exhortent. Il aimait se faire sermonner pour se rappeler Allah et pour devenir encore plus pieux. Et donc, Al-Fudayl a compris cela, donc il va le sermonner, il va l'exhorter et le conseiller. Et pour le conseiller, il va lui donner l'exemple d'un calife qui l'a précédé. Et là, on va faire un saut au premier siècle de l'islam, donc pendant la dynastie Omeyyade, ce qu'on appelle Daoula al-Umayya, il y avait un grand calife qui s'appelait Omar ibn Abdelaziz, qui est né en 61 de l'Hégire. Il est né dans la ville du prophète à Médine. Il a été éduqué avec les savants, il a eu une très très belle éducation, et c'est l'un des meilleurs califes, c'est le meilleur calife de toute la dynastie Omeyyade. De toute la dynastie Omeyyade. Si je ne me trompe pas, c'était le huitième calife. Le huitième calife, donc, de la dynastie de l'empire Omeyyade. Donc ça, c'est au premier siècle de l'islam. Donc l'Empire Omeyyade, on régnait juste après le règne des quatre califes bien guidés, des quatre compagnons, des quatre califes bien guidés. Et donc, Omar ibn Abdelaziz, lui, c'était l'un des califes les plus pieux. Et vraiment, à son époque, l'équité et la justice s'étaient propagées sur terre. Vraiment, c'était le califat qui ressemblait le plus au califat des compagnons. Pour ça, même certains historiens, certains biographes et grands savants l'ont considéré comme le cinquième calife de sa piété. Et là, pourquoi je vous dis cela? Pourquoi? Parce que Al-Fudayl ibn Riyad, il va mentionner en exemple ce calife Omar ibn Abdelaziz, comment est-ce qu'il était? Il va donner en exemple Omar ibn Abdelaziz, cet exemple-là, à Haroun Rachid, qui lui est calife et est venu bien après. Alors il va le sermonner de la sorte et lui dit, Omar ibn Abdelaziz, lui, alors qu'il fut désigné comme calife, il convoqua des hommes vertueux et leur dit, j'ai certes été éprouvé par ce malheur. Conseillez-moi donc. Regardez, Omar considérait son pouvoir et le fait qu'il était calife, commandeur des croyants, et le considérait comme un malheur. Et c'est ça que le Fourdel veut dire à Rachid, que le pouvoir que tu as en réalité, c'est un malheur. Alors, lui, il lui dit, il a considéré ce califat comme un malheur. Quant à toi et les tiens, vous le voyez comme un bienfait. Vous le voyez comme un bienfait. C'est pour cela que ensuite, il va mentionner l'exemple des savants de l'époque de Omar ibn Abdelaziz, de ce calife hein, qui leur a précédé, comment les savants de son temps l'ont conseillé. Alors l'un des savants de son temps l'avait conseillé en lui disant, si tu veux être sauvé du châtiment d'Allah, jeûne face au plaisir de ce bas monde et fais en sorte que la rupture de ce jeûne soit la mort. Un autre savant avait conseillé Omar ibn Abdelaziz. Donc lui, Al-Fudayl, il mentionne cela à Rachid pour qu'il tire profit de ces paroles-là. Et pour qu'il sache, regarde, comment les califes avant toi étaient conseillés. Un autre l'a conseillé, Omar ibn Abdelaziz, en lui disant, si tu veux être sauvé du châtiment d'Allah, considère le musulman âgé comme un père, celui d'âge médiane comme un frère, et le jeune comme un fils. Dès lors, alors, respecte ton père. Honore ton frère et sois tendre avec ton fils. Regardez comment le dirigeant à l'époque, ce grand équivalent, hein, serait comparable à un grand roi, le calife, le commandeur des croyants. Regardez comment est-ce qu'il était conseillé par les savants. Un autre savant à l'époque lui dit, en le conseillant, regardez comment les savants conseillaient les gouverneurs. Il lui dit, si tu veux être sauvé du châtiment d'Allah, alors aime pour les musulmans ce que tu aimes pour toi et déteste pour eux ce que tu détestes pour ta personne. Alors tu pourras mourir si tu le désires. Alors El-Foudail, à ce moment-là, donc pour bien que vous puissiez comprendre, El-Foudail, donc il lui a mentionné les savants de l'époque du calife précédent qui était Omar ibn Abdelaziz, comment les savants à l'époque avaient conseillé à Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Il lui dit, moi, donc lui en tant que savant de cette époque, et donc le calife de son époque, Rachid, lui demande conseil. Il dit, quant à moi, je vais te conseiller. Et il lui dit, quant à moi, je te dis que j'ai vraiment très peur pour toi. Alors là, lorsqu'il dit cela au calife, Haroun Rachid, alors là, il s'est mis à pleurer. Il fondit en larmes. Tellement, et Abou l'Abbès, celui qui mentionne cette histoire, il dit, tellement il pleurait, il a fallu s'évanouir. Alors, l'accompagnateur du calife, il dit à l'imam Al-Fudayl, sois doux avec le commandeur des croyants, avec le calife. Et Al-Fudayl riposta. Il lui répondit, toi et tes compagnons, vous le tuez lorsque vous ne le conseillez pas. C'est ça qu'il veut leur dire. Vous le tuez lorsque vous ne le conseillez pas. Et moi, devrais-je être doux avec lui? Rachid alors, le calife, alors il lui dit, conseille-moi. Regardez, il s'est mis à pleurer et il veut entendre ses paroles. Même si elles sont dures à entendre, mais il veut entendre. Parce qu'il était connu, Rachid était quelqu'un de vraiment de pieux, et il voulait entendre le rappel des savants. Alors il lui dit, conseille-moi encore. Et c'est là qu'il lui dit, ô commandeur des croyants, ô toi le calife, on m'a informé qu'un gouverneur un jour avait dit à Omar ibn Abdelaziz, à l'ancien calife, l'un des anciens califes, ce gouverneur, alors que Omar ibn Abdelaziz l'avait nommé comme gouverneur, et Omar ibn Abdelaziz lui avait envoyé une lettre. Et ce gouverneur lui a dit, lorsqu'il a reçu cette lettre, tu as failli faire sortir mon cœur de ma poitrine avec ta lettre. Je ne tiendrai plus jamais un poste de gouverneur, un poste à responsabilité, jusqu'à ce que je rencontre Allah. Et là, Al-Fudayl, il voulait lui faire comprendre que le poste de gouverneur, ces postes, ce sont des postes à responsabilité. Et lorsqu'on a une responsabilité, eh ben on répondra devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, lorsque Haroun Rachid, le calife, entendit ses paroles, alors il se mit à pleurer encore, avec des larmes chaudes. Et lui dit, conseille-moi encore. Et lui dit, ô commandeur des croyants, certes, Al-Abbas, L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, confie-moi un poste d'émir à responsabilité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, l'émirat n'est que tristesse et regret le jour de la résurrection. Alors là, Haroun al-Rachid, le calife, ne cessa de pleurer et Al-Fudayl continua à le conseiller et à l'exhorter. Et lui dit, ô toi qui as un beau visage. Et c'est vrai que c'était connu qu'à l'époque, Haroun al-Rachid, c'était quelqu'un qui était beau, qui avait un beau visage. Alors Al-Fudayl lui dit, ô toi qui as un beau visage, c'est toi qu'Allah interrogera, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, interrogera sur tes créatures, ou plutôt sur ses créatures, pardon. C'est toi que Allah, Jalla wa ala, interrogera au sujet de ses créatures, le jour du jugement. Alors si tu peux protéger ce visage du feu de l'enfer, fais-le. Et fais attention de ne pas te lever au matin ou d'arriver le soir en ayant l'intention de duper, de tromper tes sujets. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, celui qui trompera ses sujets ne sentira pas l'odeur du paradis. Et c'est là que le calife, Rachid, alors il pleurait et lui demanda, est-ce que tu as une dette? Comme il a fait pour les précédents. Il lui a dit, est-ce que tu as une dette? Alors, Al-Fudayl, regardez ce qu'il va lui répondre. Il lui dit, oui, je suis endetté à l'égard de mon Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui ne m'a pas encore demandé les comptes sur cette dette. Malheur à moi. Donc là, il voulait sous-entendre la dette de ses péchés et de ses fautes, qui devra donc rendre des comptes. Alors il dit, malheur à moi s'il me questionne. Malheur à moi s'il ne m'inspire pas argument comme réponse. Alors là, Haroun, le calife, précisa et lui dit, non, en fait, je parlais de dette que tu aurais contractée auprès d'une personne. Dis-moi si tu as une dette. Et c'est là que Haroun, il lui dit que sa dette, elle était auprès d'Allah. Il va lui citer un verset, verset de traduction relative, lorsqu'il est dit, et je ne veux pas qu'il me nourrisse en vérité, je ne cherche pas de une subsistance et je ne veux pas qu'il me nourrisse. Il ne cherche pas de remerciements. Donc Haroun, le calife, lui tenda quand même une somme d'argent. Il lui dit, voici 1000 dinars. Et il lui dit, prends cette somme et dépense-la pour ta famille. Et aussi, tu peux l'utiliser afin de te renforcer plutôt dans l'adoration de ton Seigneur. Mais là, Fudayl refusa encore. Il lui dit, non, gloire à Allah, subhanallah, gloire et pureté à Allah. Et il dit, moi, je t'indique le chemin du salut. Et puis toi, tu me récompenses avec une telle chose. Il dit qu'Allah te préserve et t'accorde la réussite. Alors de ce fait, là, il a gardé le silence. Et là, l'accompagnateur du calife dit, et là, on s'en alla. Donc, ils sont sortis de chez l'imam. Et arrivé à la porte, à la sortie, le calife s'adressa à son accompagnateur, Abul Abbas, et lui dit, ô Abul Abbas, si jamais tu devais me conseiller encore une personne, quelqu'un d'autre, alors conseille-moi une personne telle que lui, car il est le maître des musulmans. Car il est le maître des musulmans. Et vous avez vu, donc lui, le calife, contrairement à beaucoup de gens de notre époque, lui, il aimait connaître et écouter les exhortations des savants. Et lui, le Fudayl, lui, comme on dit, il n'est pas allé mollo avec le calife. Il lui a dit des vérités. Il lui a dit des vérités, mais le calife a pris cela comme un rappel. Il a pris cela comme un rappel, et vraiment, il a été touché par ces paroles de rappel. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire partager cette rencontre qu'il a eue entre le grand calife Haroun al-Rachid avec ce grand imam de cette époque qui a marqué son temps, Al-Fudayl ibn Riyad. Et regardez cette exhortation. À savoir pourquoi je vous ai donné l'exemple de Al-Fudayl, parce qu'il est rapporté au début de l'histoire. L'accompagnateur du calife dit, alors que j'ai raccompagné, ou plutôt j'ai accompagné le calife, rendre visite aux savants. Alors ils sont partis chez un premier savant qui a exhorté, mais le calife à la fin dit, il ne m'était pas d'utilité. Chez un deuxième savant qu'il a exhorté, et il dit qu'en réalité, cela ne m'était pas d'utilité. Et c'est là qu'ensuite, l'accompagnateur du calife l'a emmené chez Al-Fudayl. Et ce que je voulais vous faire partager aussi, c'est que lorsqu'il l'emmena chez Al-Fudayl, alors, il dit, je le conduisis chez lui, et là, on se rendit chez lui, Et ils ont trouvé Al-Fudayl ibn Riyad qui était justement debout en train de prier et récitait un verset du Coran qu'il n'avait jamais de cesse de répéter. Et c'était ça qui était en relation avec notre sujet. Et ça nous a fait penser à Al-Fudayl. Lui aussi, il se réveillait, il priait et il répétait sans cesse des versets. Des versets qu'il répétait. C'est pour cela qu'on a dit parfois on peut prendre un verset et le répéter comme prendre une sourate et la répéter comme la sourate Qul Huwallahu Ahad. Et donc c'est pour ça, lorsqu'ils sont arrivés devant la maison de Al-Fudayl, ils entendaient la lecture et la récitation du Coran. La récitation du Coran de ce grand imam Al-Fudayl, et lui n'avait de cesse de répéter justement des versets ou un verset du Coran. Et ensuite, ils frappèrent donc à sa porte. Pour terminer cette histoire, lorsqu'ensuite, alors ils lui ont proposé cette somme d'argent, et lui, il a refusé. Parce que lui, il n'a pas conseillé, pour lui, il n'avait pas conseillé, exhorté le calife pour cela, il ne voulait pas accepter son argent. Alors, lorsqu'ils s'en allèrent, ils étaient devant sa maison, et ils ont entendu ensuite une discussion, la discussion qu'il y a eu entre Elfoudeil et son épouse. Pourquoi? Parce qu'ensuite, son épouse, lorsqu'elle vit cela, elle a entendu cela, le refus de son mari, de son époux Elfoudeil, de cette somme d'argent, alors elle vint à lui et lui dit, ô toi, tu vois bien dans quelle situation délicate nous sommes. Si tu acceptais cet argent, alors cela nous permettrait, par exemple, de dissiper un grand nombre de problèmes, puisqu'ils avaient besoin de cet argent. Et l'épouse de Al-Fudayl, elle lui fit part de cela, qu'ils avaient besoin de cet argent et qu'il était bon qu'il accepte. Mais lui, il répondit, regardez ce qu'il dit à son épouse. Il dit, vous et moi sommes à l'image de gens possédant un chameau et qui mangent de ce qu'il leur apporte. Lorsqu'il fut âgé, ils l'immolèrent et mangèrent de sa viande. Voilà, ça c'était la réponse de Al-Fudayl. C'est pour cela que je vous dis, c'était vraiment une personne qui a marqué son temps, c'était vraiment une personne pieuse. Et lui, il avait divorcé cette vie d'ici-bas, il était vraiment détaché de ce monde, et il vivait vraiment pour sa préparation pour l'au-delà. C'est pour ça que ces paroles de sagesse, eh ben, elles continuent de toucher les musulmans. Et les cœurs des musulmans jusqu'à nos jours. Et regardez, nous aujourd'hui, on s'est fait un rappel avec une sagesse de Al-Fudayl ibn Riyad. Et il est rapporté dans cette histoire aussi que le calife, il a entendu, lorsqu'ils sont sortis, il a entendu la conversation. Il a entendu la conversation entre Al-Fudayl et son épouse. Et que son épouse lui dit qu'ils étaient dans une situation délicate. Et donc, cet argent, s'il l'acceptait, ça pourrait leur permettre de dissiper un grand nombre de problèmes. Et lorsqu'ils ont entendu cela, alors le calife dit à son accompagnateur, si seulement on y retourne et on lui donne cet argent, peut-être qu'il va l'accepter. Donc ils sont revenus, mais Al-Fudayl, en résumé, n'accepta pas cet argent-là. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre son refus. Pourquoi? Parce que lui, il était comme ça, c'était vraiment quelqu'un qui était détaché. S'était détaché de cette vie d'ici-bas, vraiment, il œuvrait pour l'au-delà. Et comme cela était à l'exemple les grands imams de ce temps, comme c'est rapporté de Ahmed ibn Hanbal, combien de fois le calife de son époque donnait, offrait des sommes d'argent, des pièces d'or, des sommes considérables au grand imam Ahmed ibn Hanbal, et combien de fois lui aussi les refusait. Et on peut comprendre le comportement de Al-Fudayl, pourquoi? Parce qu'il y a une célèbre parole qu'il disait. Al-Fudayl lui-même, il disait, si l'on m'offrait tout ce que je contiens, ou plutôt, pardon, si l'on m'offrait tout ce que contient ce bas monde, de manière licite, sans que je n'aie à rendre compte dans l'au-delà, je m'en détournerais avec dégoût. Il dit, comme vous vous détournez d'une charogne de crainte que vos habits ne l'effleurent et ne la touchent. Comme cela était Al-Fudayl. C'est pour ça maintenant qu'on comprend vraiment ce comportement et cette manière d'agir de Al-Fudayl. Et son exhortation est vraiment une exhortation à prendre en considération, celle qu'il a faite au grand calife, aussi pour nous de vraiment penser à notre au-delà, de vraiment penser à la vie de l'au-delà et d'essayer de la préparer. Surtout en période d'épidémie comme celle-ci, regardez, on parle beaucoup de gens qui sont victimes de cette épidémie. Donc chaque jour, vous entendez dans aux informations, dans les réseaux sociaux, le nombre de morts qu'il y a chaque jour dans certains pays. À savoir aussi, comme on l'a dit maintes fois, ce n'est pas la seule cause de mort. Il y a beaucoup de choses, d'épreuves qui sont causes de mort chaque jour, que ce soit en période d'épidémie ou non, chaque jour les cimetières accueillent les morts, chaque jour. Et donc, chaque jour il y a des décès, sauf qu'on n'en parle pas on n'en parle pas, les informations n'en parlent pas assez. Sinon, là, on est vraiment dans une période aussi où que les informations parlent de ces décès et beaucoup de gens donc sont victimes de cette épidémie. Et sachez que beaucoup de gens à l'heure actuelle qui sont victimes de cette épidémie, c'est des gens qui ne s'attendaient vraiment pas être victime de cette épidémie. C'est des gens qui avaient des projets, qui avaient fait des projets pour cette vie. C'est des gens qui avaient investi pour cette vie. C'est des gens qui avaient vraiment des rêves dans cette vie, des projets avec leur famille, avec leurs enfants, qui peut-être étaient en train de construire une maison, qui étaient en train de préparer un avenir. Et pour eux, ils ne voyaient pas la mort proche. Et pour eux, certains, beaucoup, pensent que la mort ne touche que les autres. Et bien, soudainement, ils ont été touchés. Subhanallah. Et c'est pour ça que beaucoup de victimes, beaucoup de ces victimes ne s'attendaient pas, ils n'étaient pas prêts à cette rencontre avec leur Seigneur, Subhanahu wa Ta'ala. C'est pour ça que vraiment, pour que, comme le prophète sallam nous a dit, les périodes d'épidémie, c'est une épreuve qui est un châtiment pour une catégorie de gens, mais c'est une miséricorde pour d'autres catégories de gens. Et cette épreuve, c'est à réveiller la conscience de beaucoup de musulmans. Et ça a sorti beaucoup de gens d'un coma profond. Beaucoup de gens étaient, comme on a dit, dans un coma profond avant cela. Dans un coma. Ils étaient dans leur routine. Ils ont oublié leur au-delà. Regardez comment Allah a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Dans un verset, Allah s'adresse au prophète en lui disant en lui disant, et n'oublie pas ta part de cette vie d'ici-bas. Ta part dans cette vie d'ici-bas. Pourquoi? Parce que le prophète, lui, c'était quelqu'un qui œuvrait pour l'au-delà, le prophète sallam. Cette vie, il l'a donnée pour l'au-delà. Et le prophète sallam délaissait tellement les biens d'ici-bas, même les jouissances permises et les biens permis qu'Allah jallawala lui avait autorisés, le prophète sallam avait délaissé tout ça. Et donc Allah jallawala s'adresse à lui en lui disant, n'oublie pas ta part d'ici-bas. C'est-à-dire que Allah jallawala lui a autorisé des choses qui sont permises, des jouissances qui sont permises, des bonnes choses permise pour les musulmans. Et donc, tellement que le prophète sallam œuvrait pour l'au-delà, et tellement que le prophète sallam priait, jeûnait, c'est pour ça que Aïcha, un jour, elle interrogea le prophète sallam, elle s'étonnait du culte et de l'adoration que vouait le prophète sallam pour Allah jalla wa ala. Elle lui disait, alors qu'Allah jalla wa ala, tu es celui qu'Allah a pardonné tous les péchés, pardon, passés et futurs. Allah t'a tout pardonné à toi. Tu es son élu, celui qu'il a choisi pour transmettre son message. Alors elle lui dit, Allah t'a tout pardonné. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Parce que Aïcha s'étonnait du culte et de l'adoration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du fait que Allah, jalla wa ala, lui a pardonné tout ce qui est passé et à venir. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était reconnaissant et donc il était constant dans l'adoration d'Allah. Et tellement qu'il avait délaissé les biens de cette vie d'ici-bas, Allah le rappelle en lui disant, n'oublie pas ta part dans cette vie d'ici-bas. Et un grand savant contemporain a dit une très belle parole, il fit une allusion aux gens de notre époque, à nous, hein, en cette époque, et dit, nous, c'est l'inverse. Nous, c'est l'inverse. Il faudrait nous dire, et n'oubliez pas votre part de l'au-delà. On est tellement plongé dans l'amour de cette vie d'ici-bas. Et tous nos projets, on les a faits pour cette vie d'ici-bas. On en oublie l'au-delà. On en oublie. Il y en a même qui sont au chevet de la mort. Ils sont au chevet de la mort. Ils parlent encore de ces biens d'ici-bas. Ils parlent encore de ce qu'ils possèdent alors qu'ils vont bientôt les quitter. Tout ce qu'ils possèdent, ils vont quitter tous ces biens-là. Et c'est pour cela que là, nous, à l'heure actuelle, c'est l'inverse. Nous, c'est notre part de l'au-delà qu'il faut se rappeler. Et donc, c'est pour cela qu'on est en période vraiment, il faut se faire du rappel. Et ces récits-là sont des rappels pour nous. Donc, on va continuer, Inch'Allah. Et surtout aussi le rappel qu'il faut se faire. On a une occasion, une grande opportunité en ces temps-ci. Comme vous savez, on est rentré au mois de Charben. Donc, c'est le mois qui précède le mois du Ramadan. Et en ce mois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était constant dans l'adoration d'Allah. Il était vraiment constant jusqu'à ce que Aïcha nous décrit l'adoration du prophète en disant que le prophète, c'était un mois où vraiment il jeûnait, c'était l'un des mois où il jeûnait le plus. Si ce n'est qu'il jeûnait, c'était comme si qu'il jeûnait tout ce mois, le mois de Charben. Donc c'est un mois où le prophète jeûnait beaucoup. Et lorsqu'on l'interrogeait au sujet de ce jeûne du mois de Charben, le prophète nous informa que c'est le mois où les œuvres sont élevées auprès d'Allah. Donc il y a l'élévation des œuvres qui monte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Et le prophète disait qu'il aimait voir les œuvres élevées auprès d'Allah alors que lui, il est en état de jeûne. Pour cela qu'il est, il est conseillé, il est méritoire de, et recommandé de jeûner au mois de Charben. Et donc, c'est un mois où il y a un grand mérite de jeûner, puisque le prophète, c'est un mois dont il jeûnait. Et parmi les bienfaits et les vertus de jeûner en ce mois, c'est qu'aussi c'est une préparation pour le mois du Ramadan. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas jeûné dans l'année, celui qui ne s'est pas entraîné au jeûne et qui n'avait pas l'habitude de jeûner, donc de commencer directement le mois du Ramadan, ça peut être difficile pour lui. Et ça peut être ce qu'on appelle une mashaqqa, ça peut être pénible, et ça peut être une pénibilité pour lui de jeûner. Donc, le fait de s'habituer déjà, d'habituer son corps à jeûner, donc ça c'est quelque chose d'utile et de profitable pour le croyant. C'est pour ça qu'il y a de nombreux bienfaits dans le jeûne du mois de Charben. Sauf que on a un récit qui dit que le prophète sallam interdit de jeûner la deuxième quinzaine. La deuxième quinzaine. Et beaucoup de savants nous ont expliqué que cette interdiction de jeûner dans la deuxième quinzaine, c'est pour ceux qui n'avaient pas l'habitude de jeûner et pour ceux qui n'ont pas jeûné la première quinzaine. La première quinzaine. C'est-à-dire que les 15 premiers jours, ceux que donc là on est rentré dans le mois de Charben, nous sommes dans les premiers jours du mois de Charben. Ceux qui jeûnent la première quinzaine et qui avaient l'habitude aussi de jeûner, ils pourront continuer à jeûner après la deuxième, pour la deuxième quinzaine. Surtout ceux qui avaient l'habitude de jeûner, par exemple, le lundi et le jeudi. Donc eux pourront continuer à jeûner. Tandis que ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner, donc il est préférable de ceux qui n'ont pas jeûné la première quinzaine et qui n'avaient pas l'habitude de jeûner, donc la deuxième quinzaine, donc il est préférable de ne pas jeûner dans la deuxième quinzaine. Sinon, il n'y a pas d'interdit pour ceux qui avaient l'habitude de jeûner des jeûnes surrogatoires et surtout qu'on jeûnait pendant ces jours-ci-là, pendant la première quinzaine du mois de Charben, donc eux peuvent continuer à jeûner. Si par exemple ils avaient l'habitude de jeûner le lundi, comme on a dit, et le jeudi, ils peuvent continuer à jeûner. Ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas jeûner le jour du doute. Lorsqu'il y aura le jour du doute, lorsqu'on va rentrer dans le premier jour du mois du Ramadan, donc il y a un jour de doute, il y aura un jour de doute, et ce jour-là, c'est le jour où il ne faudra pas jeûner. Sinon, on a un hadith aussi, un récit qui nous dit que au 15e jour du mois de Charben, à la moitié du mois de Charben, c'est-à-dire la nuit, il y a une nuit qui est la nuit de la moitié du mois de Charben, alors Allah descend au premier ciel et fait miséricorde, pardonne à tous les gens qui sont sur terre, sauf les polythéistes et ceux qui sont en conflit avec un autre, une personne qui est en conflit avec une autre personne, ceux qui ont un problème, un litige avec une autre personne. Donc Allah Jalla wa Ala, il est dit que la 15e nuit, il est mentionné dans un récit, alors il descend au premier ciel et donc il fait miséricorde à tous les êtres qui sont sur terre, sauf aux polythéistes et à ceux qui ont un litige, un conflit, qui sont en conflit avec une autre personne. C'est pour ça que c'est le moment que ceux qui ont un litige, un conflit avec une personne, eh ben, c'est le moment de faire des concessions et d'essayer de pardonner pour ceux qui peuvent le faire. Et par contre, les savants disent que, par contre, il ne faut pas prendre comme habitude que cette nuit-là, la nuit de la moitié du mois de Charben, ça serait une nuit où qu'il faut forcément veiller en prière nocturne, faire des adorations cette nuit, et en spécifier cette nuit comme une nuit d'adoration ou une nuit de prière ou autre. Ce n'est pas une nuit où qu'il faille forcément prier, stipuler un nombre de rak'a, d'unités de prière ou commencer à inventer des actes d'adoration. Les savants disent que cela est une innovation. Ça ne nous est pas rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est une information du prophète disant que Allah Jalla wa Ala descend et fait miséricorde aux gens qui sont sur terre, comme on l'a dit précédemment, mais pas forcément qu'ensuite les gens doivent se réunir, puisque des gens se réunissent en cette nuit dans des lieux de prière, par exemple chez eux ou dans des mosquées, et prient en groupe, et célèbrent et veillent la nuit en prière et disent qu'il faille le faire, non, cela n'est pas rapporté. Cela n'est pas rapporté. Maintenant, celui qui avait l'habitude de prier la nuit, qui est chez lui et qui prie en cette nuit, il est bon de faire cela. Il est méritoire de faire cela, puisqu'il est méritoire de faire cela. toutes les nuits, et en plus, dans cette nuit, Allah Jalla descend et fait miséricorde. Sauf que spécifier un nombre de rakaat, ou bien prier en groupe, ou bien dire qu'il y a des adorations spéciales à faire en cette nuit, les savants disent que cela est une innovation et ce n'est pas à faire. Donc voilà les choses qu'il y a à faire au mois de Charben. Et parmi les choses à savoir aussi, on a dit que donc en ce mois de Charben, parmi les bienfaits de ce mois et les choses à savoir, donc on a dit que les bonnes œuvres sont élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants, Ibn Qayyim, un grand savant, nous a expliqué cela en disant que c'est les œuvres annuelles, donc les œuvres de toute l'année, les actions des gens de toute l'année, eh ben, sont élevées pendant ces jours. Au mois de Sha'ban, eh ben, sont élevées auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, les savants, Ibn Qayyim, surtout a expliqué, il appelle ça l'élévation annuelle. L'élévation annuelle. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a une élévation qui est journalière, et une élévation aussi qui est hebdomadaire, chaque semaine. Alors, l'élévation journalière qui se fait chaque jour, c'est comme par exemple le fait, vous savez qu'il y a des récits où le prophète sallam nous dit que le jeudi, et pardon, chaque jour, fin d'après-midi et la nuit aussi, alors les actions sont élevées auprès d'Allah. Nos actions de la journée sont élevées auprès d'Allah. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'élévation journalière. Donc chaque jour, on a des actions qui sont élevés auprès du miséricordieux, auprès de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il nous est dit aussi dans des récits qu'il y a l'élévation hebdomadaire, chaque semaine. Chaque semaine aussi, il y a des actions qui sont élevées auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça se fait avec le lundi et le jeudi. C'est pour ça que aussi parmi les bienfaits de jeûner le lundi et le jeudi, le fait que les actions soient élevées chaque semaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'élévation hebdomadaire. Donc Ibn Qayyim nous cite cet enseignement profitable en disant donc qu'il y a une élévation des actions qui est journalière, une élévation des actions qui est hebdomadaire, qui se fait par semaine, et une élévation des actions qui est annuelle, et ça se fait au mois de Charben en séjour. C'est pour ça que là, vraiment, c'est une occasion pour les familles qui sont confinées chez eux, vraiment d'adorer Allah, ceux qui peuvent jeûner, qui jeûnent, c'est un mois où qu'il faille jeûner, et là vraiment c'est vraiment des opportunités. Beaucoup de femmes par exemple qui se plaignaient qu'elles ne voyaient jamais leur mari, et les enfants aussi se plaignaient qu'ils ne voyaient jamais leur père, puisque du fait qu'il était très occupé par rapport aux préoccupations, aux occupations, au travail, donc certains pères n'étaient jamais chez eux. Et bien là c'est une occasion, aujourd'hui beaucoup de parents sont chez eux, leur père est chez eux, et là ils peuvent profiter de leur père et eux de leurs enfants. Donc ça, c'est vraiment une occasion et c'est des moments. Et là, on ressent vraiment la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et vous avez vu donc, on est toujours dans l'étude de ce hadith sur l'importance de cette sourate, Qul huwallahu ahad. Et donc, il est même bon de la répéter. Et que regardez, ce compagnon, eh ben, avait gagné l'amour d'Allah du fait qu'il terminait toutes les lectures de ses prières avec cette sourate qui était Qul huwallahu ahad. Et j'ai cité cette histoire qu'il y a eu entre le calife Haroun al-Rachid et le grand savant de son temps, Fudayl ibn Riyad, du fait que, par exemple, Fudayl, c'était un savant qui était célèbre, qui répétait, par exemple, les versets. Ça, c'est méritoire et c'est permis de le faire dans les cinq qu'on a dit précédemment. On va continuer vraiment quelques minutes avant de terminer. Et donc, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, donc a informé cet homme, donc, Allah l'aime, par rapport à ce qu'il faisait. Ensuite, l'imam al-Bukhari va nous citer un autre hadith. Il va nous citer un autre hadith. Et là, dans ce hadith, il va nous parler de la miséricorde d'Allah. Et avant de mentionner ce hadith, il va mentionner un nouveau chapitre. Donc, on va rentrer dans un nouveau chapitre. Et l'intitulé de ce chapitre, ça sera un verset du Coran. Et donc, Allah Jalla wa Ala, dans un verset, dit « «Qul id'u'llaha aw id'u'r-Rahman, ayyaman tad'u falahu al-asma'u al-husna. Ayyaman tad'u falahu al-asma'u al-husna.» » Donc Allah, dans un verset, nous dit « «Qul id'u'llaha aw id'u'r-Rahman.» » Dit « «Si vous invoquez Allah, ou bien vous invoquez le tout miséricordieux, ayyan ma tad'u falahu al-asma'u al-husna.». » Quel que soit celui que vous adorez, à lui appartient les noms sublimes en traduction relative de ce verset. Donc c'est le verset 110 de Sourate Al-Isra. De Sourate Al-Isra. Et donc là, on va parler de la miséricorde d'Allah, de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'imam al-Bukhari va citer ce verset, il va citer ce verset coranique, donc on a dit le verset 110 de Sourate Al-Isra, lorsqu'Allah dit Qul id'ullaha aw id'urrahman ayyama tad'u. Ensuite, il va citer le hadith, un hadith qui est immense. Il va dire: Haddathana Muhammad, akhbarana Abu Muawiya, an al-A'mash, an Zayd ibn Wahb, wa Abi Dhabyan, an Jarir ibn Abdillah, qala qara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yarhamullah man la yarhamun nas, la yarhamullah ma la yarhamullah. Man la yarhamun nas. La yarhamullahu man la yarhamun nas. Regardez, on va terminer avec ce hadith. Ensuite, l'auteur, l'imam Bukhari, après avoir cité ce verset du Coran, en intitulé du chapitre, il va citer le premier hadith. Le premier hadith, c'est qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ne fait pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde aux gens. C'est-à-dire qu'Allah n'est pas miséricordieux à celui qui n'est pas miséricordieux et clément envers les autres. Donc on va apprendre ici que celui qui veut qu'Allah lui fasse miséricorde, alors il faut que lui-même soit miséricordieux et clément envers les autres. Et comme vous savez, vous ne rentrerez point au paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous allez voir, c'est un sujet qui est très important. Comment obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et apprendre à être miséricordieux, ça va être le sujet du sujet de demain. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.